veut un regroupement, peut-être avec la municipalité de Rivière-Eva et aussi avec le lac Mourier, c'est pour les deux gros problèmes, c'est les loisirs et l'incendie. Mais il y a beaucoup de problèmes reliés à ça qui se régleraient en même temps.